Course-poursuite, accompagné, j'ai pas permis. C'est comme ça tout le week-end, c'est le confinement, mais je me permets. La mi-sol, c'est belle, et le temps que ça se termine. Show à être Berlin. Yeah. Course-poursuite, condé, tapé. J'ai déjà appelé mon babe. On sortira demain, début d'après. J'ai besoin de vacances, appelle après. J'ai besoin de vacances, appelle après. Je suis à Fort d'Orléans, direction GoFast location. Et je récupère un nouveau bolide. Pas vite que la police, je fais les choses bien. Ma chérie, j'ai pas de limite. C'est plus fort que moi, j'aime la vie. T'es Merco Ben, ou du RS, avenue montée, c'est comme un rêve. Poursuite condée, accompagnée, j'ai pas de permis. C'est comme ça tout le week-end, c'est le confinement, mais je me permets. La mi-sole s'est fait belle, et le temps que ça se termine. Show à être Berlin. Yeah. Poursuite condée, tapé. J'accélère, j'accélère, tapé. Pourquoi tu pleures, ça y est c'est passé. Ils sont loin derrière. Tu peux détacher ton petit corazon à peur. Moi dans ton regard je me perds. Ce soir faut qu'on quitte le secteur. Ce soir faut changer d'air. Je suis cramé dans le bendo. Cramé dans le bendo. Gros vendeur de CD ou gros vendeur de bendo. Ce soir je t'emmène voir la mer. Ce soir je t'emmène voir la lune. Y'a pas de paix sans guerre, y'a pas de vie sans thune. Course-poursuite, condé, accompagné, j'ai pas de permis. C'est comme ça tout le week-end, c'est le confinement, mais je me permets. La mi-sol s'est fait belle, le temps que ça se termine. Show à être Berlin. Yeah. Course-poursuite, condé,